Oui, désolé, monsieur Karma, Caméléon, on était en plein test là. Mais ça semble marcher, quoi. Si un jour ça te tente. Oui, ça fonctionne. Je vais vérifier l'illusion, tu sais, l'illusion de synchronisation. De synchro audio-vidéo. En fait, tu vois, c'est chiant, en fait, quand... Enfin, je t'explique le truc. Des fois, on se fait des... Ah, il faut que j'enlève cette putain de reverb, là. Des fois... Voilà, j'ai enlevé la reverb. Alors, des fois, on se fait des sessions de streaming vidéo, tu sais, avec certains Jamtaba internautes ou Ninbot internautes, là. Et ce qui arrive, c'est que l'image n'est jamais synchro avec le son. Enfin, c'est normal, c'est dans le principe même de Ninjam.